antenne. Il y avait une fois. Il y avait une fois. Au milieu d'un désert immense. Une oasis grande comme un lac. Un village de quelques centaines d'habitants. Et un minuscule palais dressé comme un minaret. Que dis-je? Un minuscule palais dont la tour était dressée comme un minaret, se voyait à des kilomètres et servait encore de point de repère aux derniers nomades des sables. Les contes débutent souvent ainsi. Cependant, à ce stade, nul ne sait encore ce qui va se dire, si l'on va rire ou pleurer, réfléchir ou s'ennuyer. Pour l'heure, le ciel est bleu, sans le moindre nuage, bleu, juste bleu. Dans cette tour vivait un jeune roi. Très noir, très beau, très érudit, qui s'appelait Abal de Maraboule. Oh, je l'ai bien connu. Oui, je l'ai bien connu, Abal de Maraboule. Le reste du palais était occupé par 2 douzaines de serviteurs et de gardes, lesquels passaient le temps comme ils le pouvaient, car il n'y avait pas grand-chose à faire dans une résidence royale aussi petite. Certains jours, leur ennui était tel qu'ils se chamaillaient presque pour préparer les repas du roi ou pour assurer la faction à l'unique porte du mur d'enceinte. Ah oh, oui, je l'ai bien connu, ce jeune roi noir ébène, très beau, très érudit, qui s'appelait Abal de Maraboule. Oui, je l'ai bien connu. C'était mon père, c'était notre père à tous. Nous étions des centaines et nous croyions l'aimer. Cette dernière phrase laisse entendre qu'on ne va peut-être pas rire, que vous n'allez peut-être pas rire. Car il est rare, en effet, que la voix qui compte le fasse à la première personne du singulier, et qu'en plus cette voix émane d'un corps de chair et d'os, dressé devant soi, vêtu comme ci ou comme ça, robe aujourd'hui, jeans demain et boubou un autre jour. Et qu'on se dise en l'écoutant, c'est la princesse de l'histoire qui raconte. C'est Grâce de Maraboule. Oui, c'est la princesse de l'histoire, Grâce de Maraboule. Oui, c'est bien moi, Grâce de Maraboule. Et je chante aussi. Ouya, ouya, ouya, ou. Ouya, ouya, ouya, ouya, ouya, ouya. Il est bien évident qu'en ces temps nouveaux, le roi, les rois et mon père, comme les autres, n'étaient plus comme par le passé et ne se souciaient plus de conquérir le monde. À quoi bon, disait-il? Le monde appartient à tout celui qui sait l'habiter, n'est-ce pas? Le monde appartient à tout celui qui sait l'habiter. Pourtant, né dans la tour de son minuscule palais, Abal de Maraboule n'était jamais sorti de son modeste royaume. et il n'avait jamais éprouvé ni l'envie, ni le besoin d'en sortir. Il disposait d'une fortune suffisante et d'équipements technologiques de pointe qui lui permettaient de sillonner la planète et d'en visiter toutes les merveilles sans jamais sortir de sa tour. Et sans doute en aurait-il été ainsi durant toute son existence s'il n'avait reçu un jour une bien étrange visite. Oh oui, une bien étrange visite. Il en va dans les contes, comme dans la réalité, n'est-ce pas? Eh bien, sans dérangement, pas d'histoire. Sans histoire, rien à dire. Et la vie passe comme ça, parfois sans même qu'on s'en aperçoive. Une bien étrange visite. C'était un homme sans âge, blanc de peau et blanc vêtu. Costume, chaussures, chapeau à large bord. Oui, c'était un homme sans âge qui demanda audience au roi. Oh, ce qu'il avait à lui dire en cette première fois. Nous le sûmes que longtemps plus tard, de la bouche indiscrète d'un serviteur présent lors de l'entretien. Toujours est-il que l'étranger fut reconduit à la porte du palais avec la ferme injonction de ne pas revenir. Ah, pourtant, il n'était pas dans les habitudes de mon père d'interdire, encore moins de menacer. On disait cependant que dans les oubliettes du palais se trouvaient encore quelques squelettes à l'état de poussière. Mais cela datait de temps très anciens et personne n'avait encore jamais pu le vérifier. L'étranger ne revint pas, mais ses propos travaillèrent à sa cause, car à tout moment du jour et de la nuit, Abal de Maraboule se devait de les chasser de ses pensées, tantôt en les qualifiant de grotesques, tantôt en se disant que les choses étaient ainsi faites et qu'il n'y pouvait rien changer. Point final. Oh, mais justement, le point n'était jamais final et la voix déférente de l'étranger s'imposait à nouveau. Convenez-en, Majesté, votre peuple est laid. D'une laideur comme il n'en existe nulle part ailleurs sur la terre. Oh, mais comment un roi tel que vous, érudit comme vous l'êtes, amoureux des belles choses plus qu'aucun autre souverain ne le fut jamais, comment pouvez-vous accepter cette laideur qui nuit à votre image et vous expose à la risée de certains? N'en est-il point, en effet, qui vous disent « roi de Maraboulet » Abal, mon père, fut assez sensible à ce dernier argument. Non qu'il connût bien ou rencontra jamais ses pères autrement que lors de rares fêtes, mais à la seule pensée qu'on pût rire de lui, ici et là, dans les royaumes voisins, et qui sait, peut-être même bien au-delà du grand désert, car les cols porteurs de bruit s'y connaissent, hein, et rien ne les arrête, ni les mers, ni les monts, rien. « Et alors ?» s'écria mon père excédé. « Qui puis-je ?» Notez qu'à aucun moment il ne fut question de couleur ou de race pure. Non. Les propos de l'étranger se situaient dans un autre registre, plus subtil, plus élevé, plus flou aussi. Un autre registre. La beauté. Oui, la beauté, avec une belle majuscule, pour qu'on comprenne bien qu'elle englobait dans ses amples courbes tout à la fois le corps et l'esprit. Je suis un peu fou, sac d'eau sans trêve, j'emporte mon hibou, mon banjo et mes rêves. Ce fut à peu près dans ces mêmes temps qu'Abad de Maraboul reçut par coursier une enveloppe cartonnée. Elle ne contenait rien d'autre qu'un disque compact, sans un mot d'explication, sans même une carte de visite pouvant renseigner sur l'identité de son expéditeur. Oh, mais cela dit, à quoi bon? Contenant et contenu étaient blancs, pareil à un certain costume, à de certaines chaussures, à un certain chapeau. Blanc. Le film, en revanche, car il s'agissait bien d'un film, ou plutôt d'un montage de brèves séquences qui montraient le royaume tel que personne ne l'avait jamais vu. Ou alors, il aurait fallu être un oiseau pour le survoler ainsi, dans toute sa splendeur, puis se poser, la seconde suivante, sur le rebord d'une fenêtre ou sur la crête d'un mur. Et révéler les visages de ceux qui s'en approchaient ou le longeaient. Hommes, femmes, vieillards, enfants, tous aux traits grossiers. Front bas ou trop dégagé, nez pas droit ou trop épaté, lèvres et oreilles dessinées à la va-vite, trop grandes ou trop petites. Il n'y avait guère que leurs yeux qui pétillaient de vie et les disaient heureux d'être ce qu'ils étaient, là où ils étaient, et de faire ce qu'ils faisaient, sans doute, depuis toujours. Mais quelle laideur! Sinon, quelle laideur! Que le preneur d'image exacerbait encore en jouant de focales et d'angles de vue! Quelle laideur, oui! Quelle laideur! Et alors? S'écria mon père excédé. Mais qui puis-je? Deux gardes lui ramenèrent l'étranger, lequel ne se départit pas de sa déférence et ne montra jamais le moindre signe de satisfaction. Alors, qu'en son for intérieur, il savait qu'il venait de remporter sa première victoire. Et alors? S'écria le roi en regardant l'étranger droit dans les yeux. Mais qui puis-je? Les deux hommes se jaugèrent quelques instants, puis l'étranger baissa les yeux et le roi crut qu'il avait gagné. Gardes et serviteurs furent renvoyés. Ce qui se dit ensuite, oh, ce qui se dit ensuite dans la tour du palais. Nul ne le sut jamais. Cet échange privé fut suivi d'un autre quelques jours plus tard, puis d'un autre encore, puis d'un autre encore, jusqu'au jour où l'étranger se vit gratifié du titre personnel de conseiller du roi. Oui, du titre de conseiller personnel du roi. Il fut logé au palais dans une pièce ronde qui lui ferait tout à la fois office de chambre et de bureau. Il en va ainsi dans les contes et pareillement dans la réalité, n'est-ce pas? L'imprévu détourne l'histoire de son cours, et ce qui semblait acquis ne l'est plus. Et ce qui semblait certain l'est encore moins. Abal de Maraboul se rêvait un destin qui le dépassait, Son nom ne serait plus raillé dans les royaumes avoisinants, mais cité en exemple, voire admiré de par le monde. L'histoire, la vraie, pouvait alors commencer. Elle se déroulerait sur 20 ans, en 3 actes, et constituerait le projet le plus ambitieux du siècle. À qui fait beau là-bas, allez vivre l'aventure, couché sur le sol dur au fond des bois. Quand la nuit s'élèvera, mon hibou ululera, tiou, tiou, tra-la-la-la-la-la. Un beau matin, bien avant le lever du soleil, tous les sujets du roi, sans exception, aucune, quittèrent le royaume avec de l'or plein les poches et l'ordre d'aller s'établir ailleurs, le plus loin possible. Le désert est vaste, sans doute n'eurent-ils que l'embarras du choix. Du haut de sa tour, Abal de Maraboule les suivit longtemps du regard, non sans quelques pincements au cœur. Quand la longue procession d'hommes, de femmes, d'enfants, de dromadaires et de mulets eut disparu derrière les dunes de sable, le ciel s'illumina et l'oasis brilla comme un diamant. Si nous étions au théâtre, on pourrait dire que c'est la fin du premier acte. Que le rideau s'abaisse, que les applaudissements crépitent, mais nous ne sommes pas au théâtre. Et je ne peux que chanter, chanter, chanter, chanter, chanter. Tietuna, Tietuna, Tietuna, le soleil là. Un autre beau matin, un incessant ballet d'autocars déposa à l'entrée du royaume mille et une femmes, toutes plus blanches et plus belles, et toutes jouissant à droits égaux du même statut d'épouse royale. Oh, tout avait été pensé, prévu, planifié, selon un calendrier bien précis. L'accueil et l'hébergement des épouses, les caprices des unes et les envies des autres, les impondérables et les défections, l'ordre et la durée des accouplements, tout vous dis-je, tout. Et même, et même, et même, et même, un jour d'abstinence obligatoire pour tout le monde, tout vous dis-je. Si nous étions au théâtre, on pourrait dire que c'est la fin du deuxième acte. Que le rideau s'abaisse, que les applaudissements crépitent. Mais nous ne sommes pas au théâtre. Et je ne peux que chanter, chanter, chanter, chanter. Tietuna, Tietuna. Et tout se déroula comme prévu. Au terme de la première année, le village déjà vagissait et les ventres ronds se comptaient par dizaines. 5 ans plus tard, le royaume grouillait de beaux bambins dont la couleur de peau couvrait toute la palette des bruns, du plus foncé au plus clair, sans jamais atteindre toutefois ni le noir de l'ébène, ni le blanc de l'ivoire. 15 ans plus tard, Abal de Maraboule régnait sur l'un des plus beaux peuples que la terre ait jamais porté. 20 ans plus tard, le conseiller personnel du roi décréta que sa mission était accomplie. Oh, si nous étions au théâtre. On pourrait dire que c'est la fin du troisième et dernier acte. Que le rideau s'abaisse pour ne plus se relever. Que les applaudissements crépitent et puis se taisent. Mais nous ne sommes pas au théâtre. Et je n'ai plus envie de chanter. Plus envie de chanter. Le conseiller personnel du roi aurait pu s'en retourner là d'où il venait, ou entreprendre une autre mission ailleurs. Mais pour quelque raison qui m'échappe, il décida de rester. On le voyait souvent déambuler dans le village avec un air de satisfaction évidente. Ben quoi? N'avait-il pas accompli l'œuvre de sa vie? Il arrivait qu'il fût accompagné d'autres hommes qui lui ressemblaient, blancs de peau et blancs vêtus, qui s'extasiaient ou riaient fort, prenaient des notes, saluaient nos mères avec courtoisie, nous dévisageaient avec curiosité. Moi, grâce de Maraboule, je suis née dans les mois chauds de la deuxième année. Ma mère était blonde. Oui, blonde. Oui. Et elle venait d'un pays froid du nord. Oh, on m'espérait plus à son image, comme bon nombre de mes frères et sœurs d'ailleurs. Mais la nature est ainsi faite que je suis le portrait craché de mon père. Je me souviens que son conseiller personnel souvent me désignait du doigt à ses compagnons. Je me souviens même d'une fois où il m'a dit très gentiment que j'étais une princesse au même titre que les autres, comme s'il voulait me consoler de quoi que ce soit. Mais je n'avais nul besoin d'être consolée. J'étais heureuse et j'aimais le chanter. J'ai ma pirogue qui vogue, vogue sur les flots mouvants. La mer est belle et ma nacelle ne craint pas le vent. Ainsi, tout aurait pu être bien et finir bien. Certains contes nous offrent cela parfois, n'est-ce pas? Des mariages et beaucoup d'enfants, des bals grandioses et des feux d'artifice, des rires à gorge déployée, des lendemains radieux. Mais s'il fallait s'en tenir à cette fin, peut-être vous demanderiez-vous ce que je fais ici plutôt que d'être là-bas. Et pourquoi je vous raconte cette histoire? Tout avait été pensé. Je vous l'ai dit, tout avait été prévu. En 3 actes et sur 20 ans. Ce qu'il est advenu ensuite, pas même un épilogue, pas même une histoire dans l'histoire. Une toute autre histoire plutôt, oui. On pourrait dire ça. Une toute autre histoire. Nous n'avons rien vu venir. Nous n'avons rien vu venir. On pourrait dire ça, oui. On pourrait dire ça. Nous n'avons rien vu venir. À Bâle de Maraboule vivait serein en son royaume et son conseiller personnel, entre bilan positif et prévision optimiste, coulait des jours paisibles et nos mères et nous-mêmes profitions pleinement de l'existence. Alors que s'est-il passé? Oui? Que s'est-il passé? Et pourquoi faut-il toujours qu'il se passe quelque chose? Pour faire rebondir l'histoire et s'en distraire? Ou pour en tirer des leçons? Non, ne rêvons pas. On ne peut pas en tirer des leçons, puisque l'histoire n'est jamais la même, ou du moins, elle ne se répète jamais de la même manière. Peut-être alors que les histoires ne servent qu'à mieux respirer et que, eh bien, faute d'en raconter ou d'en écouter, on finirait par étouffer. Oui, peut-être. Ce qui signifierait que les poètes n'écrivent pas avec des mots, mais avec de l'air. Et l'air de rien? Eh bien, ça fait rêver. Je disais, nous n'avons rien vu venir. Non, nous n'avons rien vu venir. Oui, je disais qu'on pourrait dire ça. Nous n'avons rien vu venir. La révolte naquit. On ne sait ni comment, ni pourquoi. Aucun signe avant-coureur. Rien. Un jour, nous fûmes tous là, fils et filles, de sang royal, par centaines et centaines, au pied de la tour d'Abbas de Maraboule, brandissant nos poings et criant notre colère, le traitant de nègre, quand pour beaucoup, nous l'étions presque autant que lui, exigeant sa mort quand il était notre père, et que la veille encore, nous pensions l'aimer. Comment vient-on à dire au-delà de sa pensée? Quelle force émane d'une foule qui transforme à ce point l'individu, lui fait perdre la raison, avive en lui le mal et le goût du sang? Le roi est nègre, à mort le roi! Le roi est nègre, à mort le roi! Curieusement, mais faut-il vraiment s'en étonner? Jamais nos mères ne cherchèrent à s'interposer, à croire qu'à travers nous, elles aussi avaient à redire. Le roi est nègre, à mort le roi! Le roi est nègre, à mort le roi! Abbas de Maraboule tenta de nous parler, d'abord sur un ton paternel, puis de manière plus autoritaire. Mais nous le huâmes et le sifflâmes et notre colère s'en trouva attisée. Le roi est nègre, à mort le roi! Le roi est nègre, à mort le roi! Au crépuscule, le palais royal fut envahi et la tour incendiée. Pour échapper aux flammes, Abbas de Maraboule, notre roi, notre père, n'eut d'autre choix que de se jeter par une fenêtre, et son conseiller bientôt l'imita et s'écrasa, fruits blancs et rouges, dans la cour. Et la foule dont j'étais piétina les corps, puis les jeta en pâture aux chacals. Après quoi, deux clans se formèrent, puis s'affrontèrent pour prendre le pouvoir. Les plus clairs de peau l'emportèrent, et les autres, dont j'étais, suivirent leur mère dans un long périple qui les ramena dans les pays du Nord qu'elles avaient quittés quelque 20 ans plus tôt. Ainsi en va-t-il des contes, comme de certaines vies, qui les voient se boucler sur eux-mêmes, qu'on serait tenté de dire que l'histoire radote, que rien ne sert à rien, puisqu'on en revient toujours au même point. Mais cela est faux. Chacun de nous avance sur un chemin qui lui est propre et qui parfois va droit, parfois zigzague, parfois traverse des plaines, parfois longe le bord des falaises. Le mien m'a emmené ici et je vous ai raconté une histoire. qui aurait pu être la mienne, qui peut-être est la mienne. Cela dit, demain ou un autre jour, je pourrais vous la raconter autrement et dire pareillement que cette histoire est un peu la mienne. Et vous en aurez le tournis, car vous ne saurez plus qui croire, ni même s'il convient de croire en quoi que ce soit. Mais c'est aussi le propre des histoires que de donner le vertige à ceux qui pensent droit et croient toujours marcher les deux pieds bien à plat sur la terre. Quand j'ai quitté mon village, mon royaume, mon pays, le ciel était strié de rouge et l'oasis brillait comme un rubis. La guerre venait d'éclater et durerait des jours et des semaines, peut-être des années, peut-être des années. Peut-être ne finirai jamais. Jamais. Jamais. Cela dit, rien. Rien, vous m'entendez? Rien ni personne ne m'empêchera jamais de raconter des histoires, mon histoire, et surtout de chanter. Oui, chanter. J'ai quitté à regret sur une chaloupe, zim boum boum, zim boum boum, ce pays si joli. Chantez. Chantez. Iyundi uyu kaga, nazo vele layo, nalubanangai esouta, osinamute malangai.